Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.